tendez vos mains, meurtrice, mais l'amour, et puis donnez la vie, enfant de tout pays et de toute couleur, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre... Enfants de tout pays, bonjour, vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Daniel en votre compagnie, Alexandre à la technique, pour vous présenter Patchwork numéro 14, à l'écoute des musiques du monde. Alors la programmation de ce jour, elle comprend du zouk antillais, c'est une tradition, hein, c'est comme d'habitude, une promenade autour du mot « manège ». Un voyage musical à Tahiti, ben ça va nous changer. Hein. C'est bien, ça. Il y aura du soleil. Et puis nous recevrons avec notre plus grand plaisir la chanteuse Camille Adams. Alors je ne sais pas si on dit Adams ou Adam. On dit Camille Adams. Ah, on dit Camille Adams. Comme la famille Adams. À qui nous décernerons aujourd'hui nos trois coups de chapeau. Alors pour commencer, place au zouk. Lissi Naïs Jin est une auteure, compositrice, interprète et multi-instrumentaliste française. D'origine antillaise, elle est née à Paris. Et après avoir posté un certain nombre de vidéos sur YouTube, l'une d'entre elles a eu beaucoup de succès en ligne et lui a permis de se faire connaître et de se produire aux Antilles et à Paris. Mouin Enmum, Lissi Naïs Jin. Comment un petit chat Tahiti. Bah, Tahiti, tout d'abord, toutes nos félicitations à notre nouvelle Miss France qui nous vient de Tahiti. Tahiti, bah, c'est la plus grande île de la Polynésie française, un archipel du sud de l'océan Pacifique, en forme de 8. Et elle se compose donc de deux parties, une grosse et une petite. Tahiti Nuit, c'est la plus grande section, c'est à l'ouest. Et Tahiti Iti, c'est marrant de dire, la péninsule à l'est. Population de Tahiti, 190 000 habitants. J'ai pas compté. Hein. Ville importante, Papeete, la capitale, 26 000 habitants, c'est pas, ils sont pensés. Mais quand même dans une agglomération de 130 000 habitants, voilà. Autre ville, Pirae, 14 500 habitants. Et Maina, 14 500, d'où est originaire précisément Vaimalama Chavez, notre nouvelle Miss France. Tahiti, mon exil. Font tomber l'eau du ciel et vous laisse le goût d'un instant éternel. Tahiti, sable chaud pour danser, noix de coco à manger, Robinson Crusoe en chapeau perforé. Sable chaud pour danser, noix de coco à manger, souvenir d'un été. Premier coup de chapeau aujourd'hui à Camille Adams. Bonjour Camille. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Bah, merci à vous de m'avoir invité surtout. Oui, je crois qu'on ne t'a pas entendu quand tu as dit bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous. Bon, allez, on est chez nous là. Ah oh, oui. Pas de problème. Il fait tellement beau. Bon, Camille. Ce mois de février. Qui es-tu, Camille? Je suis une hurluberlue. Oui. Non, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, qui compose Et je suis une grande fille. Quelqu'un qu'on retrouve sur un album avec Temporel et avec d'autres artistes sur le même album. Oui. Dont Cyril Alexis qui est sur une autre radio. Bon, enfin, il anime une émission au même maître. Pas de problème. D'accord. Temporel. Temporel. Oui. Tu t'en souviens ? Ah, oh, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Alors, d'où viens-tu ? Alors, moi, je suis originaire de Suisse. Je suis née en Suisse, mais j'ai vécu toute mon enfance à Nancy, voilà, dans la région. Je suis donc quand même une pure Lorraine. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais de beau ? Donc, tu m'as dit que tu étais auteur, compositeur. Voilà, c'est ma principale activité. Oui. Voilà, j'aime ça, j'aime... Si je n'écris pas, si je ne compose pas, pour moi, je n'ai pas d'existence. Donc, ça me fait vivre. Répertoire d'Edith Piaf ? Alors ça, c'est... oui. Répertoire d'Edith Piaf, moi, j'ai un petit groupe, un petit trio qui s'appelle Les Petits Piaf. On a monté un spectacle, on en parlera plus tard. Et puis, donc, un CD qui a été fait il y a quelques années avec l'orchestre municipal, l'harmonie municipale de Commercy. Camille, si on t'écoutait ? Avec joie et bonheur. Milord. Eh ben voyons, Milord, souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Alors, Camille, tu connais le principe de patchwork ? Oui. C'est très simple. Il s'agit de passer du coq à l'âne. Ah, ah oui. Oh. Alors, bien entendu, tu n'es ni le coq, ni l'âne. Mais on va te faire intervenir maintenant dans une autre rubrique. Oui, qui est la rubrique joie. De la balade avec un seul L autour du mot manège. Ouais. Hein, mais auparavant. T'as chanté là avec un orchestre. Oui, alors c'est l'orchestre harmonique, l'orchestre harmonique de Commercy, l'harmonie municipale de Commercy plus exactement, qui est dirigée par Stéphane Garaffi, un homme délicieux, absolument talentueux, avec qui on a vraiment bien travaillé. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé travailler avec l'harmonie. C'était vraiment un bon moment. En dehors du récital Piaf, tu as bien entendu des sujets qui te touchent à cœur. Oui. Coup de gueule, coup de cœur. Coup de gueule, coup de cœur. Bon, bah, les coups de cœur, c'est sur ce que j'aime, les gens que j'aime. Et puis les coups de gueule, c'est souvent l'actualité, par exemple. Tu travailles beaucoup. Oui, je pense que je travaille pas mal, surtout la nuit. Ah bon? Oui, parce que déjà tous les chats sont gris. Oui. Et puis c'est beaucoup plus calme, c'est plus serein la nuit pour bosser. Oui, et puis il n'y a pas la fête foraine. Et puis il n'y a pas la fête foraine. Alors mon manège à moi. Ah bah mon manège à moi, bien sûr. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Changer de planète. Tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les flonflons de la fête. Et la terre n'y est pour rien. Ah oui, parlons-en de la terre. Pour qui elle se prend la terre? Y'a pas de problème, car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il y avait pas de qui m'aime, on s'aimerait quand même. Car tu me fais tourner la tête. Mademoiselle, s'il vous plaît. Juste une danse. Ah, j'en peux plus. Je vous ai reconnu. Ah bon? On se serait pas déjà vu? Oui, enfin, je sais plus. Peut-être croisé dans la rue. Alors je suis confuse. Je n'ai pas d'excuses. Et je m'abandonne à lui. Van der Foel, c'est du zouk. C'est pas rester si c'est pas essayer, ça va qu'à coûter à rien. On espère qu'on a dit ok. On constate, mais c'est qui on va se faire. Rêter si c'est pas faire loin manquer. Bon Dieu, que les femmes là ça. On a pas mis les mêmes par le système. Dis-moi si c'est l'ancien. Quel amour qu'a caché. Coucou bébé, on va éviter. Tahiti nuit, avec ses plages de sable noir, ses lagons, ses chutes d'eau et ses deux volcans éteints. L'île est une destination populaire pour les vacances, bien entendu. Ah oui. Découverte par le capitaine James Cook au XVIIIe siècle, elle a fait l'objet de nombreux tableaux du peintre Paul Gauguin. Gauguin. Bah oui. Se loger dans un bungalow sur pilotis, constitue une expérience incontournable. Prendre le petit-déj en pirogue, explorer une ferme de perles noires, nager avec les requins et les dauphins, assister à un tournoi de pêche à la pierre, tout cela pour enchanter votre séjour si vous y allez. Une visite au musée des îles permettra de découvrir les secrets de l'époque où l'on lisait dans les étoiles. On lisait dans les vagues, les courants, le tracé des oiseaux, les rayons du soleil et la direction du vent. Peut-être aurez-vous la chance d'admirer la tiare à Petaï. Tu connais ? Ah non, ça non. Je ne connais pas du tout. Ben, c'est une fleur très très rare. Ah, la tiare, oui, oui. Qui pousse au sommet de la montagne sacrée du Rayatea. Et ils mettent dans les cheveux, c'est ça ? Ouais. Vaine Paki Rua. Camille. Oui. Je sais que tu es très impliquée dans une association qui s'appelle Claire Amitié. Claire Amitié, oui. Tu peux nous en parler. Alors, Claire Amitié a été fondée par Thérèse Corny. Hein. Le premier foyer a été ouvert en 1946 parce qu'elle s'est aperçue qu'il y avait plein de jeunes filles, de jeunes femmes en détresse. Et ça lui était insupportable. Donc, elle a traversé la France entière pour récolter des sous et ouvrir en 1946 son premier foyer. Et donc il y a tout, il y a un livre qui vient de sortir justement qui s'appelle Thérèse Corny, une femme de foi et d'engagement, qui relate toute sa vie et son œuvre. C'était vraiment, moi j'ai eu la chance de la rencontrer, c'était vraiment une femme exceptionnelle. Alors, passionnée et passionnante. Comment tu as connu Claire Amitié ? Alors Claire Amitié, bon moi j'y suis passée. Voilà, je suis restée presque 2 ans. Alors, à l'époque, c'était à l'Axou. Maintenant, il n'existe plus hein, sur Nancy. Et j'y suis restée 2 ans parce que difficultés familiales, etc. Donc, voilà, j'ai été accueillie. Donc, c'est une maison voilà, avec des animatrices qui tiennent la maison. Donc, on se requinque et on sort. On a un job, on a un appartement. Voilà, on repart du bon pied dans la vie. Camille a accepté de venir avec sa guitare et elle va chanter maintenant. C'est en live qu'on dit, non ? En live. Ah, en live. En live, qu'est-ce que tu vas nous chanter ? Alors là, c'est un morceau que j'ai composé l'année dernière qui s'appelle « Les différences ». D'accord. Eh bien, écoute, quand tu veux. « Elles apparaissent dans les cultures. Elles sont vivantes, pas dans nos têtes. Elles ne doivent pas dresser de murs. Elles doivent enrichir la planète. Elles se partagent, jamais s'imposent. Blanc, jaune ou noir, c'est la même chose. Elles nous rapprochent, elles nous rassemblent. Nous font grandir et vivre ensemble. Les différences, elles ne mettent pas de distance. Elles sont en Afrique et en France. Les différences, elles sont en Europe, en Asie. Elles font partie de notre vie. Tu pries Bouddha, tu pries Jésus. Quelle différence cela peut faire? Que tu sois grand, gros ou perdu, dans la richesse ou la misère, tu as ta place, tu as ton nom. Même si tu ne peux plus marcher, ou si tu vis dans un carton, l'important, c'est ne pas juger. Les différences, elles sont partout autour de nous. Elles ne divisent que les fous. Les différences, hétéro, homo, solitaire. Tu es mon père, tu es mon frère. Accepter l'autre, c'est facile. Le regarder, lui sourire, c'est pas grand chose et c'est utile. C'est comme ça que la paix peut vivre. Nous écouter, nous entendre, malgré le canon des injures. Ouvrir nos mains et nous comprendre peut effacer quelques blessures. Les différences, c'est une voix, c'est une chance, c'est une aubade à l'espérance. Les différences, c'est un pari sur le bonheur. C'est un antidote au malheur. Les différences, elles sont partout sur cette terre. Elles nous amènent la lumière. Les différences, elles peuvent arrêter toutes les guerres. Elles nous offrent la terre entière. Eh ben, dis donc. Si on était plus nombreux dans le studio, je ne sais pas ce que ça ferait. Hein. Je ne sais pas non plus. Bravo et merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire? Tu nous en chanteras encore une? Oh, une petite, là, sous le gaz, vite fait. Oui, et ben tout à l'heure. Ok, ça marche. Allez, on passe du coq à l'âne, toujours. Hein, et on retourne au thème des chansons autour du mot « manège ». Et un des principaux succès de Nicoletta en 1970, Ma vie, c'est un manège, Nicoletta. Car ma vie c'est parfois c'est vrai, je suis trop libre. Et je n'entends pas la raison, je marche sur je le quille. Mais je veux bien être captive de qui fait des quatre saisons un monde qui chante et qui brille. Qui chante et brille. Je succombe à son charme, pas au charme de Nicoletta bien sûr. Je risque de verser des larmes, rester le cœur fermé, le malheur sera ma garde. Si je succombe à son charme, je risque de verser des larmes, je veux croire en notre histoire. Même si l'amour est chose rare, Femme fatale, volume 2. Stony Kim, open the door. Baby, this is not a test, get on the floor. You seem no available. Hit me, Stony Kim, unbelievable, trust me. Même si j'en perds mes repères, je pose mes conditions. Une petite faim, Camille. Pardon ? Une petite faim. Faim ? Oui. Ah oui, je grignoterais bien un petit truc, moi. D'accord. Moi, je ne demande pas à Alexandre, parce qu'à cet âge-là... Oui, ça mange tout le temps. Bah, ça mange tout le temps. Tiens, je te propose du poisson cru. Ah, j'adore ça. À la tahitienne et qui mérite tous les honneurs. Le thon, le rouget... Le rouget. Le rouge. Le rouget, c'est bientôt sa fête. Le rouget ou la bonite qui se découpe en dés et on les sert accompagnés de jus de citron vert et de lait de coco. Ah. Ah. Le maintinito, je vais me faire encore des copains. Une mélange de viande de porc, de haricots rouges et de macaroni. Ça ne doit pas être mal non plus, ça. Les fruits de l'arbre à pain. Des dizaines de variétés de bananes avec un S. Les divers tubercules de taro, c'est un peu comme les patates, hein, de tarua, de ufi, sont la base de la cuisine locale. Ah ouais. Alors, salade de fruits tropicaux, papaye, mangue, ananas, pastèque, pamplemousse, citron vert et gousse de vanille, bien entendu. La vanille de Tahiti a été amenée sur l'île par un amiral français en 1848. Elle est considérée comme une épice rare. Elle a été amenée. Amenée. Oui. Donc, elle n'est pas d'origine... Ben non. D'accord. Ré Tahiti. Oh. Camille Adams avec nous dans l'émission Patchwork. Avec joie et bonheur. Camille, oui, tes projets? Alors là, j'ai un projet, je suis dessus depuis un an déjà. Je mets en musique, j'écris un spectacle sur Thérèse Corny. Donc sa vie, son œuvre, voilà, et tutti quanti. Et je travaille avec un ami musicien, bassiste, qui lui me fait les arrangements des chansons que j'écris. Et là, je suis sur le scénario que je vais écrire, que je suis en train d'écrire en alexandrin. Donc sur Thérèse Corny. Sur Thérèse Corny. Née en 1917. Le 13 mai. Et décédée en 1989. Le 4 décembre, ouais. Les petits piafs? Alors les petits piafs, pour l'instant, ils sont un peu en hibernation. On a un spectacle qui s'appelle L'hymne à la môme. On a beaucoup tourné pendant quelques années. Alors, c'est pas un spectacle, moi derrière le micro et les musiciens derrière. Non, c'est plutôt interactif. C'est de la joie, de la bonne humeur, de l'émotion. On rit, on pleure. Il y a aussi du mouvement sur scène. Donc, pour le moment, on est un petit peu en hibernation. Mais on va revenir. Alors, il y a Benoît Dangien au piano et Christian Mangel à l'accordéon. Voilà, nous sommes que trois. Tu veux bien nous interpréter encore une chanson? Avec joie. Alors, laquelle? Alors, c'est pour ma petite mère chérie, ma petite mère de cœur, qui n'est autre que Christiane Muller, qui est cofondatrice des foyers Claire Amitié. Ça s'appelle Cœur à cœur. À toi, Camille. On t'appelle la petite mère, et pourtant tu as un grand cœur. Tu as fait le tour de la terre. Tu apportes tant de bonheur. Comme un océan d'amour, un tsunami de tendresse, la sagesse d'un toujours, un baiser, une caresse. Je me suis perdue tant de fois, je suis partie jusqu'en enfer. Pourtant tu m'ouvres grand tes bras, tu me portes dans tes prières. Comme un océan d'amour, un tsunami de tendresse, la sagesse d'un toujours, un baiser, une caresse. Tu es mon amie, ma grande sœur, ma confidente à l'âme pure, qui pardonne dans la pudeur toutes mes erreurs qui m'emmurent. Comme un océan d'amour, un tsunami de tendresse, la sagesse d'un toujours, un baiser, une caresse. Je voudrais dire ces quatre mots que tu as déjà dans ton cœur, mais voilà, mes mots sont des mots. De dire tout ça, ça me fait peur. Tu es celle qui me donne, qui me redresse, qui me porte. Moi qui croyais n'être personne, c'est toi qui me rends bien plus forte. Comme un océan d'amour, un tsunami de tendresse, la promesse d'un toujours, un baiser, une caresse. caresse, tu me gardes et me façonnes. Malgré toutes mes faiblesses, jamais tu ne m'abandonnes. Tu es ma mère aux yeux tendresse. Merci Camille, merci Camille Adams, que vous allez pouvoir retrouver sur Fadjet le vendredi matin. Oui, la matinale. Alors c'est de quelle heure à quelle heure ? Alors c'est de 7h à 8h35 avec plein de mes camarades, Isa, Constance, Paul, Davy, et on passe un très très bon moment. Voilà, avec plein de chroniques. Merci d'être venue. Eh bien merci Camille. De m'avoir invitée. C'était avec joie et bonheur, un grand, grand plaisir. Merci à vous. Bravo encore une fois. Merci. Le manège aux souvenirs, Franck Michael. Nos plus beaux souvenirs nous parlent et les moins bons font mal. Là ne veulent rien savoir, gravés dans nos mémoires. Au bout d'une belle histoire, on aimerait de temps en temps pouvoir sourire quand rien ne va. Seulement voilà, notre manège aux souvenirs refuse de ralentir, il aurait trop peur de s'endormir. Notre manège aux souvenirs, il tourne, tourne et vit, il n'a qu'un désir, nous envahir. Nous avons beau lui demander d'un peu se calmer, de nous oublier. Il sourit quand on l'implore, il reste le plus fort, il tourne et tourne encore. La nuit quand nous fermons les yeux, on pense encore à ceux qui sont toujours absents. Oui, mais tellement présent. On a tous des regrets. Certains soirs tout le monde affiche complet. Mais au lieu d'en pleurer, mieux vaut chanter. Notre manège aux souvenirs refuse de ralentir. Il tourne, tourne et vit. Il n'a qu'un désir, nous envahir. Nous avons beau lui demander d'un peu se calmer, de nous oublier. Il sourit quand on l'implore, il reste le plus fort. Il reste le plus fort, il tourne et tourne encore. Et le manège, retour sur le manège, c'est une chanson sortie en 2008 et premier single de son premier album. Stanislas a été comblé de voir sa chanson classée deuxième en France. Le manège, Stanislas. Un tour de manège autour de nos vies qui tournent. amour vaut le tour. Voir si notre amour vaut le tour. Tourne, tourne, tourne, tourne. Ce beau manège, ce grand manège, me met la tête à l'envers. Me met la tête à l'envers. La, la, la, la, la. Ce beau manège, ce grand manège, me met le cœur en l'air. Me met le cœur en l'air. La, la, la, la, la, la, la. Un tour de manège autour de nous qui prenons tous les détours, un tour de tournis pour voir si le voyage vaut le coup. Un tour de manège autour de nos vies qui montent et qui descendent, un tour de looping pour voir si notre amour vaut le tour. Voir si notre amour vaut le tour. Tourne, tourne, tourne, tourne. Ce beau manège, ce grand. Et c'est ainsi que prend fin Patchwork. Il me reste à remercier de tout cœur Camille Adams d'avoir bien voulu apporter son concours à notre émission. Merci également à Alexandre pour la réalisation technique. Et merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. Soyez les bienvenus sur notre page Facebook intitulée « La cerise sur le canto Patchwork » où vous retrouverez les podcasts des émissions précédentes. Le prochain Patchwork, c'est dans 15 jours. Et dimanche prochain, n'oubliez pas la cerise sur le canto. En attendant, soyez heureux à l'écoute de Radio Fagette Nancy 94.2 ou sur le net fagette.net. Au revoir.